l'air azuré comme un vrai rocher. Son cou est un toit de toile d'araignée. Sur son front il y a marqué qu'il est clair en France. De son bras un dragon, un soldat casqué. Car il sait que pour lui y a pas trop de cimetière. Y a pas de place pour sa gueule au palais de l'Élysée. Il sait qu'il est un français parmi tant d'autres. Pas plus con, pas meilleur, rien du français. Parmi tant d'autres. Elle a les yeux comme un drapeau noir, elle a la peau comme un clair de lune. Quand tu la prends dans tes bras, tu peux entendre son cœur qui bat. Car elle ne connaît qu'un seul métier, et c'est celui de se faire aimer. Elle sait qu'elle n'est qu'une française parmi tant d'autres, un plus conne, pas meilleure, rien qu'une française parmi tant d'autres. Son cou est tatoué de toile d'araignée. Sur son front y a marqué qu'il est fait en France. De son bras un dragon ou un soldat casqué. Car il sait que pour lui y a pas trop de cimetière. Y a peu de chance pour qu'un jour il aille à l'Élysée. Il sait qu'il est un français parmi tant d'autres. Pas plus con, pas meilleur, rien qu'un français parmi tant d'autres. Let's go, Paul.